Chapitre 25e, la nouvelle incarnation. L'héritière de Sir John Colfax avait subi avec un courage viril les premières épreuves de son noviciat. Soutenue par la fièvre du combat, elle avait pensé que son sacrifice tournerait au profit des malades auxquels elle prodiguait ses soins et que la mort reculerait devant l'énergie de son dévouement. Mais la maladie et la mort déjouaient ses efforts et l'imprévu souvent détruisait ses plus légitimes espérances. Ainsi, tel malade qu'elle croyait avoir sauvé, lui échappait tout à coup. Une complication inattendue survenait, et la convalescence commençait se terminait d'une façon tragique. Une autre fois, une mourante abandonnée par le médecin revenait à la vie par un miracle inespéré, et peu à peu la conviction que son sacrifice serait inutile finit par pénétrer dans son esprit. Les paroles de Maître Maxou, le jour où il avait apporté les actes de vente des puits de la Pennsylvanie et de l'hôtel des Champs-Élysées, lui revinrent en mémoire. « Flavia, lui avait-il dit, rester plus longtemps ici, c'est commettre un suicide. La véritable expiation, celle qui entraîne le pardon des fautes, la grande scène du monde peut seule vous l'offrir. Ce qu'il faut à une nature enthousiaste comme la vôtre, ce n'est point l'inactivité du cloître, mais l'action, au premier rang, dans les batailles de la vie. » Alors, une réaction se fit en elle. À l'enthousiasme des premières heures succéda le doute d'abord, et ensuite la désespérance. La volonté ne soutenait plus le corps, et les fatigues d'une existence à laquelle elle n'avait point été accoutumée brisèrent ses forces. Toutefois, elle ne voulut pas s'avouer vaincue. Et d'abord, elle songea à écarter d'elle tout ce qui lui rappelait ce monde qu'elle avait fui quelques mois auparavant. En première ligne se trouvait Maître Maxou, Maxou auquel elle semblait devenue plus chère depuis son entrée au couvent, Maxou qui ne désespérait point de l'en voir sortir un jour, et dont la déception serait d'autant plus cruelle si elle ne lui faisait pas comprendre que son projet de vivre et de mourir dans le cloître était immuable. À partir de ce moment, elle ne reçut plus le jeune avocat. Vainement il lui écrivit pour se plaindre de ses rigueurs, vainement il lui annonça dans ses lettres qu'il avait d'importantes révélations à lui faire concernant Irène. Elle n'ouvrit même pas ses lettres et les lui renvoya avec ces quelques mots. « À la fin de mon noviciat, je prononcerai mes vœux et je désire que rien ne me détourne de cette résolution irrévocablement arrêtée. Quant à ma fortune, je réfléchirai, aussitôt mes vœux prononcés, à l'emploi que j'en ferai. » Cependant, la jeune novice, malgré toute l'énergie de sa volonté, se trouvait parfois prise de grande tristesse, mais vaincue un moment, elle se relevait bientôt fortifiée, victorieuse et prête à de nouvelles luttes. Ce fut pendant un de ces découragements momentanés que Madame Renaud se présenta un jour à elle, accompagnée d'Irène. Leur présence inattendue jeta un peu de soleil sur les ombres de sa pensée. Sir Paul fit un accueil charmant à la jeune apprentie qu'elle n'avait revue qu'une seule fois depuis la mort d'Olga, et lui demanda si elle se trouvait toujours heureuse dans son existence nouvelle. « Oh oui, ma sœur, » répondit la jeune apprentie. « Et ce bonheur, je le dois à M. Maxou qui m'a placé chez cette bonne Madame Renaud. » Le novice tressaillit en entendant prononcer le nom de son ancien défenseur, mais se remettant presque aussitôt, elle s'informa de lui et de ce qu'il faisait. Il passe une partie de ses nuits à surveiller les réparations et l'aménagement de l'hôtel qu'il a acheté pour vous, place des Vosges, répondit la maîtresse fleuriste. « Il en fera un véritable paradis. » « Pauvre Maxou, » pensa Sir Paul. Mes cruautés ne le rebutent pas, et l'espèrent toujours. Lorsque l'heure de la séparation eut sonné, la jeune novice, après avoir embrassé Irène au front, prit à Madame Renaud de la lui amener le plus souvent qu'elle le pourrait. À partir de ce jour, pas une semaine ne s'écoula sans qu'Irène, accompagnée de la marchande de fleurs, vint passer quelques heures auprès de Sir Paul, et sa présence était accueillie avec un intérêt qui, à chaque visite, allait en grandissant. Elle était comme un rayon de soleil qui éclairait et réchauffait les sombres et froides murailles de la cellule de la pauvre récluse. Un jour que Madame Renaud avait quitté son apprenti à la porte de l'hôtel-lieu, sous prétexte de se rendre chez un de ses fournisseurs, Sir Paul remarqua qu'Irène était préoccupée et toute pensive, et elle lui en demanda la cause. Une vive rougeur monta aux joues de la jeune fille, et il parut éprouver un grand trouble. Interrogé de nouveau par la novice, elle lui apprit qu'Octave de Valambreuse se rendait plusieurs fois la semaine à son atelier et que ses regards étaient sans cesse fixés sur elle, comme s'il ne pouvait s'en détacher. Les jours où il ne venait pas, il se tenait dans le square de la place des Vosges, assis sur un banc, et ses yeux levés vers les fenêtres de Madame Renaud semblaient attendre que quelqu'un apparût. Et quand ce quelqu'un qui l'attend se montre à la croisée, repartit Sir Paul, que fait-il? Lorsque c'est moi, répondit Irène, il m'adresse un sourire. Maintenant, ma sœur, ajouta-t-elle, je voudrais bien que vous m'appreniez ce que tout cela signifie. Je ne le sais pas et je suis heureuse de le savoir. Chère petite, dit la jeune novice, en souriant de l'ingénuité de cette demande, cela signifie qu'Octave de Valombreuse vous aime, vous croyez? Fit Irène en rougissant de nouveau. J'en suis certaine, mon enfant. La jeune apprentie garda le silence et sa charmante figure revêtit tout à coup une expression de tristesse. Qu'avez-vous? Lui dit Sir Paul. Je songe à ce que vous venez de m'apprendre, répondit Irène. Et cela vous attriste? Je ne suis qu'une ouvrière, sans nom, sans famille, et lui, c'est un duc. Un duc pauvre comme Job. Mais avec son grand nom, il peut faire un riche mariage. Oui, mais si vous deveniez riche, et comment le deviendrais-je? Simple ouvrière que je suis, simple ouvrière je resterai. Qu'en savez-vous, mon enfant? Répondit la novice. Madame Renaud entra, et quelques instants après, elle emmenait Irène. Pendant que la jeune apprentie tendait son front à Sir Paul, celle-ci lui glissa ces mots à l'oreille. « À bientôt, cher enfant, et espérez. » Qu'entendait-elle par ces paroles? C'est ce que nous allons faire connaître. Disons tout d'abord que l'entretien qui venait d'avoir lieu avait été concerté entre Sir Paul et Madame Renaud. Pourquoi et à propos de quoi? Le voici. Le cœur d'Irène était comme un livre ouvert sur lequel il suffit de se pencher pour y lire. Or, la fabricante de fleurs s'était bien vite aperçu de la vive impression qu'avait produite sur sa jeune apprentie la présence presque quotidienne du brillant officier. De notre côté, elle avait compris sans peine le motif des visites d'Octave. Tous les deux s'aimaient, quoique sans se l'être avoué, et cet amour épouvantait à bon droit la digne femme. Que devait-elle faire? Après réflexion, elle résolut de s'ouvrir à Sir Paul et de lui demander conseil. « Laissez-les s'aimer, » avait répondu la jeune novice. Vainement la marchande de fleurs artificielles avait-elle alors déployé tout un attirail d'objections. « Laissez-les s'aimer, » avait répété Sir Paul. Cette réponse, évidemment, cachait une arrière-pensée. L'arrière-pensée de Sir Paul était de doter richement Irène, afin qu'elle pût devenir la femme du duc Octave, qu'elle aimait et dont elle était aimée. Dans cette inspiration dictée par son cœur, elle entrevoyait le commencement de la réparation de ses actes criminels d'autrefois envers la famille Valombreuse. Ce fut donc à l'intervention cachée de la jeune novice qu'Octave et Irène durent la continuation de leur petit roman d'amour. Un mois s'était écoulé depuis la visite de Madame Renaud, lorsque deux événements vinrent tout à coup troubler Sir Paul au milieu des luttes obstinées qu'elle se livrait dans le silence de sa cellule. Le premier de ces événements fut la brusque cessation des visites d'Octave. Il n'avait plus reparu sans que rien pût faire pressentir la cause de sa disparition. Irène, tout d'abord, avait été surprise de cette désertion inexplicable. Puis, l'inquiétude avait succédé à la surprise. Était-il parti? Était-il malade? Était-il mort? Madame Renaud, elle aussi, avait été douloureusement affectée de cet abandon, et comme il se prolongeait, elle avait voulu savoir à quoi s'en tenir. Elle connaissait la demeure d'Octave, elle l'envoya prendre des renseignements. Elle apprit que 4 jours auparavant, le jeune duc, en rentrant chez lui dans la soirée, avait trouvé une lettre apportée en son absence par un commissionnaire et qu'après l'avoir lue, il était aussitôt reparti. Depuis, on ne l'avait plus revu. Son brosseur était allé le lendemain à la caserne du château d'eau, pensant l'y rencontrer, et là, on lui avait dit qu'il avait obtenu un congé d'un mois. Ces renseignements, transmis à Madame Renaud, ne jetaient aucune lumière sur la disparition d'Octave de Valombreuse. 3 jours s'écoulèrent encore, et il n'avait pas reparu. Et Irène, plongée dans le désespoir, n'était point retournée auprès de Sir Paul. D'un autre côté, Sir Paul s'étiolait à vue d'œil, ses joues pâlissaient et se creusaient, la flamme de ses yeux s'éteignait, et en même temps que ses forces, ses résolutions de claustration perpétuelle l'abandonnaient peu à peu, et sans vouloir se l'avouer, elle se sentait vaincue. Il n'était point jusqu'à l'absence d'Irène qui n'ajouta à ses tristesses et à ses souffrances physiques et morales. Le 9e jour, elle écrivit à Madame Renaud, lui demandant pourquoi Irène ne voulait plus la voir. Le lendemain, c'était un dimanche, la fabricante de fleurs entrait dans l'hôtel-Dieu à l'ouverture des portes et se rendait à la cellule de Sir Paul. « Et Irène, pourquoi n'est-elle pas avec vous ?» lui dit celle-ci, étonnée de la voir toute seule. Madame Renaud lui apprit l'étrange disparition du jeune duc et l'ajouta en terminant que si elle ne devait plus revenir, Irène en mourrait de douleur. En ce moment, la porte de la cellule s'ouvrit de nouveau et maître Maxou parut. « Pardonnez-moi, dit-il à la jeune novice, si je pénètre contre vos ordres dans votre retraite, mais il le fallait. J'avais impérieusement besoin de vous voir, de vous parler, et j'ai profité de ce qu'aujourd'hui cet hospice est ouvert à tout le monde pour arriver jusqu'à vous. » Il était facile de comprendre, d'après l'air embarrassé du jeune avocat, qu'il s'attendait à un accueil glacial. Mais Sir Paul, toute bouleversée par le récit de Madame Renaud, lui tendit la main. « M'apportez-vous aussi de fâcheuses nouvelles ?» lui demanda-t-elle avec un accent de tristesse. « Depuis longtemps, depuis 3 mois, répondit maître Maxou, je vous aurai rendu compte de la mission dont vous m'avez chargé. Je suis venu, vous ne m'avez pas reçu. Je vous écris, et vous n'avez même pas lu mes lettres. Je ne pouvais attendre davantage, car alors il eût été trop tard, peut-être. J'ai donc forcé votre consigne, et me voici. Oui, oui, je me souviens, dit la jeune recluse, après avoir assemblé ses idées. Vous voulez parler, n'est-ce pas, des recherches sur la famille d'Irène et sur son persécuteur? Précisément. Et avez-vous appris quelque chose? Je crois avoir mis la main sur un indice précieux. Madame Renaud a dû vous dire que le prétendu Durand n'était autre que le baron Walker, qui aujourd'hui est en Amérique, je le sais. Oui, mais ce que vous ignorez, et ce que je tenais si fort à vous apprendre, c'est la découverte faite dans l'hôtel du baron. Et qu'a-t-on découvert? Maître Maxou apprit alors à Sir Paul l'excursion nocturne de Salavert et l'étrange personnage qu'il avait trouvé dans la maison fermée. « Et cet homme est d'origine asiatique, dites-vous ? » fit la jeune novice avec étonnement. « Oui, » répondit l'avocat, et au milieu de sa folie, il a prononcé plusieurs fois le nom d'Irène. « Le nom d'Irène ? » exclamèrent en même temps Sir Paul et Madame Renaud avec un redoublement de surprise. « Voulait-il parler de notre Irène à nous ou d'une autre ? » continua maître Maxou. « Tout me porte à croire qu'il s'agissait de la nôtre. Et qui vous le fait supposer ? » demanda vivement la novice. Le raisonnement, à défaut d'un dispositif, conduit parfois à la vérité, repartit l'avocat. Proféré par une bouche autre que celle du prisonnier de Walker, le nom d'Irène n'aurait eu à mes yeux aucune signification importante. Mais ce prisonnier, comme je vous l'ai dit, est né en Asie, ainsi que notre protégé. Tous les deux ont été conduits en France vers la même époque, et le baron les connaît de longue date, puisqu'il est, depuis 9 ans, le geôlier de l'un, et qu'il a été, pendant presque le même espace de temps, le protecteur intéressé de l'autre. Comment se trouva-t-il joué un rôle actif et fatal dans l'existence de chacun d'eux, si tous les deux n'étaient point unis par un lien que nous ignorons? Supposez que le hasard, s'ils étaient étrangers l'un à l'autre, les aurait placés sous sa main, dans un intérêt complètement distinct, se serait tombé dans le roman, dit l'avocat en terminant, et ma ferme conviction et qu'il doit exister un lien quelconque de parenté entre notre Irène et le prisonnier du baron Walker. C'est également mon avis, répliqua Sir Paul, mais comment acquérir une certitude à cet égard? Je ne vois qu'un seul moyen. Quel est-il? Ce serait de profiter de l'éloignement du baron pour voir son prisonnier. La jeune novice allait répondre, quand une sœur infirmière entra, lui remit une dépêche télégraphique et la pria de signer un bulletin qu'elle tenait à la main. Sir Paul donna un reçu de la dépêche, tout en se demandant qui pouvait la lui envoyer. Puis elle l'ouvrit lorsque l'infirmière fut partie, et une exclamation douloureuse s'échappa de ses lèvres. « Qu'est-ce donc ? » dit maître Maxou avec inquiétude. « Lisez !» répondit la jeune novice. L'avocat prit le télégramme qu'elle lui tendait, et voici ce qu'il lut. « Le B.W. un misérable. Notre fortune et notre honneur perdus. Si vous ne venez à notre secours, Marcel. » « Ah ! fit Maxou en froissant convulsivement la dépêche. « Je l'avais pressenti. » Le baron Walker est un de ces fripons audacieux qui édifient leur fortune avec l'argent des autres. J'avais averti Kerlusset. Pourquoi ne m'a-t-il pas écouté ? Puis se tournant vers Sir Paul. Vous le voyez, la situation se complique. D'un côté, Octave disparu, supprimé ténébreusement peut-être, parce qu'il était aimé d'Irène, et qu'il entravait les projets de mariage du baron. D'autre part, Irène au désespoir, et le secret de sa naissance enfermé sans doute dans l'hôtel du boulevard Haussmann. Enfin, et pour couronnement, Ève et Marcel ruinés et leur mari déshonoré. À mesure que Maître Maxou parlait, les yeux de Sir Paul s'éclairaient comme d'une flamme intérieure, son visage semblait se transfigurer, et sous la blancheur de sa guimpe, on sentait palpiter son cœur soulevé par une émotion à grand-peine contenue. « Oui, oui, » dit-elle, comme se parlant à elle-même, « ce serait le rachat du passé, et les âmes de ceux qui sont morts s'apaiseraient sans doute et me pardonneraient. » « Le rachat du passé, qu'entendez-vous par ces mots ?» lui demanda son ancien défenseur. La jeune novice eut un tressaillement. Elle venait d'apercevoir, placé au-dessus de sa couchette, le Christ auquel elle avait, le matin encore, solennellement promis de consacrer son existence, et à cette vue, le feu de ses regards s'était subitement amorti et son visage avait pâli. « Je suis en ce moment trop bouleversé pour vous répondre, » lui dit-elle. « Laissez-moi mes pensées. J'ai besoin de descendre moi-même et de m'interroger. » Maître Maxou et Madame Renaud, comprenant qu'elle désirait être seule, prirent congé d'elle. Sir Paul, après leur départ, tomba dans une profonde méditation. Les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, et notamment celles qui sont employées dans les grands établissements de charité de Paris, jouissaient d'une liberté relativement très étendue. Ainsi, elles peuvent sortir toutes les fois qu'elles le veulent, et n'ont de compte à rendre de leur sortie qu'à la supérieure. La sœur adjointe à la jeune novice ne fut donc nullement surprise lorsque cette dernière lui annonça qu'elle allait se rendre à la maison mère. « À quelle heure pensez-vous être de retour ? » demanda-t-elle. « Je l'ignore, » répondit Sir Paul. « Cela dépendra des ordres que je recevrai. » Miss Colfax avait l'intention de prendre une voiture, mais elle renonça bientôt à cette idée. Elle était en proie à une violente agitation et elle pensa que la marche et le grand air lui détendraient les nerfs. Elle gagna les quais de la rive droite et les suivit jusqu'au pont Neuf. Il était alors 3 heures de l'après-midi. Ce moment de la journée est surtout dans les quartiers populeux celui où la circulation est la plus active. La jeune novice se vit donc tout à coup englobée au milieu d'une foule compacte et bruyante, courant en sens divers, à ses affaires ou à ses plaisirs. Ce mouvement d'une grande ville qu'elle avait désappris depuis son entrée à l'Hôtel-Dieu lui parut chose nouvelle. En même temps, l'air frais et pur qu'elle aspirait à plein poumon semblait dégager tout son être des miasmes délétères qui l'enveloppaient dans les salles de malades. « Ah » fit-elle avec un soupir de béatitude, « ici l'on se sent vivre. » Puis, frappée du mouvement sans cesse renouvelé de la vaste cité, elle ajouta mentalement « la bonne chose que la liberté. » À mesure qu'elle se rapprochait du terme de sa course, l'ardeur de son sang s'apaisait, et au moment où elle entra dans la maison mère, elle était en pleine possession d'elle-même. Elle se fit annoncer chez la supérieure, et elle fut introduite sur le champ dans sa cellule. La vieille religieuse, en la regardant, eut comme le pressentiment du motif de sa visite. « Voyons, chère fille, » dit-elle après l'avoir fait asseoir à côté d'elle, « apprenez-moi bien vite ce qui vous conduit près de moi. » « Je viens vous annoncer, ma mère, » répondit Sir Paul, « que des événements récents m'ont amené à penser que je pourrais faire plus de bien en rentrant dans le monde qu'en demeurant enfermé dans un cloître. » La supérieure, en entendant ces paroles, ne put réprimer un léger sourire que Miss Colfax surprit au passage. « Vous supposez peut-être, ma mère, » continua-t-elle, « que cette détermination vient de mon regret d'avoir autrefois volontairement renoncé à toutes les jouissances mondaines. Ah, que ne pouvez-vous lire dans mon cœur, vous le jugeriez autrement. Je suis convaincu, ma chère fille, que vous avez de sérieuses et louables raisons pour abandonner la vie religieuse, » repartit la supérieure avec bonté, « et si j'ai souri tout à l'heure, c'est parce que je me rappelle l'impression qu'il y a 6 mois j'ai ressentie lorsque vous vous êtes présentée à moi et m'avez demandé comme une faveur de vous confier la mission de veiller au chevet du lit des pauvres malades. Ainsi, vous n'avez pas cru à ma vocation ? Non, mon enfant, ma longue expérience de la vie me permet d'apprécier à première vue la valeur des résolutions humaines, si sincères d'ailleurs qu'elles puissent être, et j'avais pressenti que votre réclusion ne serait pas de longue durée. Ne voyez dans mes paroles aucune arrière-pensée de reproche ou de blâme. Les fautes passées trouvent également leur absolution dans la vie militante et dans la vie claustrale. Si vous revenez à la première, c'est que vous estimez sans doute qu'elle vous offrira les moyens de réparation que vous n'avez pas trouvés dans l'autre. En effet, ma mère, répliqua la novice, j'avais offert ma vie à Dieu, dans l'espoir de son pardon, et j'aurais accompli jusqu'au bout mon sacrifice si mon intervention aujourd'hui n'était pas devenue indispensable pour sauver des personnes qui me sont chères et qui se trouvent menacées dans leur fortune et dans leur honneur. S'agirait-il des enfants de la duchesse de Vallombreuse ? Demanda la supérieure qui n'avait pas oublié les confidences de Miss Colfax lors de leur première entrevue. Celle-ci fit un signe de tête affirmatif. S'il en est ainsi, ma chère fille, je ne puis qu'approuver votre résolution, et je prierai Dieu de vous seconder dans votre généreuse entreprise. Merci, ma mère, de vos bonnes paroles, répondit Sir Paul. À présent, il me reste à réclamer de vous une dernière faveur. Parlez, mon enfant. Mon excellente et bien-aimée mère, que j'ai perdue lorsque j'étais toute jeune encore, m'avait enseigné une chose que je n'ai jamais désapprise. C'était de déposer une obole dans le tronc des pauvres quand je sortais d'une église. Permettez-moi de laisser en sortant d'ici un souvenir à la sainte maison que vous dirigez. Miss Colfax tira de son sein un papier et le remit à la supérieure. La vieille religieuse l'ouvrit. Un chèque de 100 000 francs sur la banque ? Fit-elle stupéfaite de l'importance de la somme. C'est peu de chose pour l'héritière de Sir John Colfax, répondit Flavia en souriant. En ce cas, j'accepte. Pour mes pauvres, répliqua la supérieure. Environ un quart d'heure après cette entrevue, Miss Colfax, qui avait échangé ses vêtements de novice contre ceux qu'elle portait le soir où elle s'était présentée à la maison mère de la rue du Bac, montait dans un remise et se faisait conduire place des Vosges. Madame Renaud n'avait point exagéré en disant que le vieil hôtel acheté par Maître Maxou était grâce à lui devenu un vrai paradis. Lorsque Flavia entra dans sa nouvelle demeure, elle fut émerveillée du bon goût qui avait présidé à son aménagement. C'était simple et élégant tout à la fois. Mais quand elle ouvrit la porte de sa chambre à coucher, elle ne put se défendre d'une vive émotion. Cette chambre, par une pensée dont elle appréciait la délicatesse, était la reproduction exacte de son ancienne chambre de l'avenue des Champs-Élysées. La tenture était la même, ses meubles et ses brimborions les plus insignifiants, elle les retrouvait. Chaque chose était à sa place. L'illusion était complète. Comme il m'aime, se dit-elle, et la ressemblance ne s'arrêtait pas là. De ses fenêtres, elle apercevait comme au rond-point la cime des arbres. La seule différence qui exista, c'est que le rond-point des Champs-Élysées se trouvait remplacé par le square que l'édilité parisienne a fait élever sur l'ancienne place royale. La riche héritière, à son entrée dans son hôtel, avait été reçue par le vieil intendant de Sir John Colfax. « Vous m'attendiez donc ?» lui demanda-t-elle. « Nous espérions tous votre retour, » répondit le brave homme, dont les yeux étaient humides de larmes. « Comment, tous ? » répliqua-t-elle. « Oui, miss, mes camarades n'ont jamais perdu le souvenir de vos bontés. Et si vous leur faites un signe, ils seront tous ici ce soir. »« Ce signe, faites-le pour moi, mon bon Williams, » dit Flavia, qui était plus émue qu'elle ne voulait le laisser paraître. Le soir même, ainsi que l'avait annoncé le vieil intendant, la fille adoptive de John Colfax se retrouvait au milieu de ses anciens serviteurs.